Double S on the trap. Hey, hey. Ooh, hey, hey. On va faire ça salement, hey. Moteur allemand, hey. Jean ballement, hey. Clip holément, hey. J'regarde ton talama. Il est pas le mât. Il rend l'adma. Comme les kills du Panama. Hey, hey. Ça on l'a, ouais. Ça on l'a, ouais. Ça aussi on l'a, ouais. Ça aussi on l'a. Ça on l'a, ça on l'a. Ça aussi on l'a, ouais. Ça aussi on l'a. Gang. Dis-moi où c'est, je te livre comme un coursier. Toi arrête de glousser, si tu veux que ça sorte faut pousser. On va parler c'est franc, c'est mieux quand on est franc. Je sais que t'aimes que mon argent, c'est avec des pinces que tu me les prends. Si j'ai une galère, en cas d'urgence, hein, n'appelez pas ma mère, non. Appelez mon revolver, ouais. Je vais jamais me ranger, yeah. C'est ce que j'ai promis, yeah. Petit ça c'est mon faux, tu ne fais que manger ce que j'ai vomi, hey. Je hey. Ne ferme jamais l'œil, debout quand le soleil se lève. Ouh. C'est pas en dormant que je vais réaliser mes rêves. Non. Ouverture du sas. J'ai mon FAMAS, H24. Rien à battre de la date de l'ouverture de la chasse. Russe. On va faire ça salement. Hey. Moteur allemand. Hey. Jean ballement. Hey. Clip holément. Hey. J'regarde ton talama. Ouh. Il est pas le mât. Ouh. Il rend l'adma. Ouh. Comme les kills du Panama. Hey. Hey. Hey. Ça on l'a. Ouais. Ça on l'a. Ouais. Ça aussi on l'a. Ouais. Ça aussi on l'a. Ouais. Ça on l'a, ça on l'a, ça aussi on l'a, ça aussi on l'a. Quand ta clique se fait crosser, ta bitch fait engrosser. J'vais pas tout endosser, j'irai tout au procès. J'coupe mes bords au T1, mille voyages sont ventrés pleins. Armé comme un phocéen depuis la zone 51. J'rigole tous les matins depuis que j'ai vu ta gueule en sang. J'suis un gros gamin, appelé juste pour enfant. J'ai que deux places dans mon bolide. Fuck Blablacar. Je l'ai fait flipper comme un sac seul à la gare. Hey, hey, on hey, va faire hey, ça salement. Hey, moteur allemand. Hey, jean ballement. Hey, clip holément. Hey, j'regarde ton talama. Ouh. Il est pas le mât. Ouh. Il rend l'adma. Comme les kills du Panama. Hey. Ça on l'a. Ça on l'a. Ça aussi on l'a. Ouais. Ça aussi on l'a. Ouais. Ça on l'a. Ouh. Ça on l'a. Ça aussi on l'a. Skr. Ça aussi on l'a. Skr. Skr. Skr. Skr. Skr.